إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله تتردد على الألسنة وفي وسائل الإعلام المختلفة عبارة العدل والمساواة فهل هاتان الكلمتان بمعنى واحد أم أنهما مختلفان وبناء عليه هل دين الإسلام دين عدل ومساواة وما الفرق بين العدل والمساواة عباد الله المساواة في اللغة هي المماثلة بين الشيئين والمعادلة بينهما وقد اختلف الناس في تحديد معنى المساواة حيث ظهر اتجاهان متبينان لتحديد معنى المساواة الاتجاه الأول ذهب إلى أن معنى المساواة إزالة كل الفوارق بين الناس فهم سواء لا يفرق بينهم دين ولا شرع ولا قانون ولا جنس وسميت بالمساواة المطلقة والاتجاه الآخر أوجب المماثلة بين الأشياء إلا ما جاء الشرع بنفي التسوية فيه باعتبار أن الشريعة لها حق المطلق في التسوية والتفريق ولا ريب أن الاتجاه الأول فتح الباب على مصراعيه وهو عبث لأن المساواة تعني في مدلولها التشابه والتساوي بين الأشياء والمخلوقات ولا يمكن أن تكون عادلة إلا إذا تساوت الخصائص والصفات وتشابهت وحينئذ تتحقق المساواة وأما في حال اختلافها كما هو الشأن في الرجل والمرأة فلا يمكن تحقيق المساواة العادلة لأن المساواة بين مختلفين ظلم واضح لا يحقق العدل والإنصاف بل إن الاتجاه الأول يصادم النصوص الشرعية الصريحة الواضحة التي تنفي المساواة بين الأشياء كالمؤمن والكافر والظلمات والنور والذكر والأنثى ونحوها قال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وقال سبحانه وما يستوي الأحياء ولا الأموات وقال سبحانه وليس الذكر كالأنثى وما أحسن ما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الشأن إذ قال أخطأ على الإسلام من قال إن دين الإسلام دين المساواة بل دين الإسلام دين العدل بل دين الإسلام هو دين العدل وهو الجمع بين المتساويين والتفريق بين المتفرقين ولم يأتي حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبدا وإنما يأمر بالعدل. أيها الأحبة، بناء على هذه القاعدة المحكمة التي قررها هذا العالم الحكيم، يمكننا أن نقرر بكل ثقة: أولا، المساواة العادلة تجمع بين المتساويين وتفرق بين المتفرقين أو بين المفترقين. ومن أمثلة الجمع بين المتساويين مساواة الرجل بالمرأة في الخصائص الإنسانية والتكاليف الشرعية والثواب والعقاب. ومن أمثلة التفريق بين المفترقين اختلاف الرجل عن المرأة في الخصائص الجسدية والنفسية والعقلية. ثانيا، المساواة المطلقة تجمع بين المتساويين والمفترقين، وهي بذلك تساوي بين النقيضين. المساواة المطلقة تجمع بين المتساويين والمفترقين، وهي بذلك تساوي بين النقيضين، وهذا بعيد عن العدل والإنصاف، وفيه من التناقض ما فيه. عباد الله، أما العدل فيعرف في اللغة بأنه نقيض الجور وضده، وهو ما قام في النفوس أنه مستقيم. والعدل في الاصطلاح الشرعي هو وضع الشيء في موضعه الذي أمر الله تعالى أن يوضع، وبعبارة أخرى هو موازنة بين الأطراف بحيث يعطى كل منهم حقه دون بخس ولا جور عليه. وسبق ذكر كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن دين الإسلام دين عدل، دين العدل، وهو الجمع بين المتساويين والتفريق بين المفترقين. عباد الله، بناء على ما تقدم يتبين أن الشريعة فرقت بين العدل والمساواة. ومن أهم الفروق بينهما، أولا، أن الشريعة أمرت بالعدل ورغبت فيه مطلقا في كل زمان ومكان ومع كل إنسان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أما المساواة فهي منفية في بعض المواضع، كقوله تعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وقوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. ثانيا، العدل يشمل التسوية والتفريق، أما المساواة فهي تشمل التسوية فقط. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع عن المساواة بالعدل في قوله: للذي أعطى ابنا له عطية دون سائر ولده، فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرد عطيته، رواه البخاري. فمن العدل التسوية بين الأولاد في العطية، ومن العدل التسوية بين الزوجات في المبيت والنفقة، ومن العدل التفريق بين الرجل والمرأة في الميراث والشهادة ونحوها من الأمور التي جاء الدليل الشرعي بالتفريق بينها. إذن الإسلام دين عدل وليس دين مساواة، لأن العدل يقتضي الموازنة بين الأطراف بحيث يعطى كل منهم حقه دون بخس ولا جور عليه. وفي ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة، وهذا خطأ. لا يقال مساواة، لأن المساواة قد تقتضي التسوية بين شيئين، والحكمة تقتضي التفريق بينهما. ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون: أي فرق بين الذكر والأنثى؟ سووا بين الذكور والإناث. لكن إذا قلنا بالعدل فهو إعطاء كل أحد ما يستحقه، وزال هذا المحذور وصارت العبارة سليمة. إذن العدل أعم وأشمل من المساواة، والعدل ضابط للمساواة. فالعدل يقتضي بأن تأخذ المرأة نصف الرجل، والعدل أيضا يقتضي أن تتساوى الأختان في نصيبهما من الميراث. فرغم التفريق في الحالة الأولى فقد تحقق العدل تماما، كما تحقق في الحالة الثانية، وذلك لأن العدل هو إعطاء كل أحد ما يستحقه. ومن أهم الفروق بين العدل والمساواة ثالثا استخدام كلمة العدل فيه صيانة للشرع من التناقض ولوجود التفرقة والمساواة. أما استخدام كلمة المساواة ففيه مخالفة صريحة للنصوص الشرعية التي جاءت في بعض المواطن بالتفرقة. ومن أوضح الأمثلة على ذلك قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. فمن الظلم أن نسوي بين المؤمنين والفاسقين، فالعدل هنا يقتضي التفريق. وفي ذلك يقول السعدي رحمه الله: لا يستوون عقلا وشرعا، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة، وكذلك لا يستوي ثوابهما في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وحتى بين المسلمين أنفسهم لا يمكن أن نسوي بين أعمالهم الصالحة في الدنيا، وإلا لزم من ذلك التسوية في درجاتهم في الآخرة. ومن أجل ذلك نفى الله تعالى المساواة بين أعمال المؤمنين في الدنيا وبين درجاتهم في الآخرة، وهذا هو العدل، كما في قوله سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وفي قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. وغير ذلك من النصوص الدالة على التفرقة عباد الله. ومما لا شك فيه أن تحقيق المساواة بين الناس مستحيل عقلا وعملا، وإلا فلماذا يتفاوت الناس في رواتبهم التي يتقاضونها وهم يعملون في مؤسسة واحدة؟ أليسوا يعيشون الأحوال الاجتماعية نفسها ويتعرضون للمشاكل نفسها ويتساوون في متطلبات الحياة؟ ومن مأكل ومشرب وملبس ومسكن، فلماذا هذا التفاوت؟ فلماذا هذا التفاوت وهل يعتبر هذا التفاوت من الأجور هذا التفاوت في الأجور مظهرا من مظاهر الجور والظلم في النظم الاجتماعية الحديثة؟ أما العدل الذي يقتضي التسوية بين المتساويين والتفريق بين المفترقين فهو أمر غير مستحيل لا عقلا ولا عملا، وهذا ما توافق عليه علماء الشريعة التي تعايش الواقع وتقدر الأشياء والتفاوت بينها وتحكمها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, je vous demanderai avant de commencer d'approcher encore, de vous avancer et de vous serrer les uns avec les autres. Regardez à votre gauche et à votre droite s'il y a de l'espace, essayez de serrer, et s'il y a de la place devant vous, avancez. Il y a beaucoup d'espace dans le coin ici, à droite, à ma droite. Donc, vous pouvez combler un peu d'espace. Essayez de ne pas trop penser à la sortie, à la fin. Il y en a qui sont pressés de sortir. Ils veulent être proches de la porte. Pendant ce temps-là, il y a de l'espace vide. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Donc, le sujet de la khutbah aujourd'hui, c'est au sujet de deux termes qui sont souvent employés. On entend souvent ces choses-là dans les médias. Et en particulier, certains en ont parlé beaucoup, en particulier parce que hier, c'était la journée de la femme, hein, la journée internationale de la femme. Et c'est une journée, chaque année, où les koufars se permettent de critiquer, d'attaquer l'islam, et de plaindre la femme musulmane qui pratique sa religion et qui s'accroche à la charia d'Allah, alors qu'en réalité, l'islam est la seule religion que Allah acceptera au jour de la résurrection, et en même temps, c'est la religion qui a appelé la femme à la réelle et la vraie liberté, c'est-à-dire la liberté d'être une esclave d'Allah. Et c'est uniquement lorsque un homme est esclave ou une femme est esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle est réellement libre. Libérée de ses passions, libérée de ses pulsions, de ses désirs illicites si elle se soumet à son créateur. Libérée de l'esclavage de l'homme par l'homme et libérée également de tout ce qui peut éloigner l'homme du bien et le rapprocher du mal. Parce que certains ont l'idée que la liberté, c'est de pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire, même si c'est mauvais pour nous. Et ça, c'est pas la vraie liberté. Et c'est pas la vraie signification de la liberté. La personne qui agit de cette manière, en réalité, n'est rien d'autre qu'un esclave de ses passions et de ses désirs. Et un esclave du shaitan. Et donc les deux mots que les koufars emploient souvent, c'est le terme d'égalité et de justice. Et ils essaient de faire croire aux gens que ces deux termes sont synonymes ou qu'ils ont la même signification. Et donc ils disent que l'homme et la femme doivent être égaux. Et que lorsqu'ils emploient ces deux termes, ils essaient de faire croire aux gens que ça c'est la justice. Sauf que comme les ulama de l'islam l'ont expliqué et l'ont clarifié, il n'y a pas le terme égalité mentionné dans le Coran, excepté sous la forme négative, c'est-à-dire dans le but de le nier, de nier cette égalité-là. Donc il n'y a pas d'égalité absolue et totale et complète entre l'homme et la femme dans l'islam. Il y a une égalité dans les choses qui méritent, dans les choses dans lesquelles la charia a affirmé une égalité, et il y a une distinction dans les choses dans lesquelles la charia a affirmé et établi une distinction. Et s'il y a une telle distinction, c'est uniquement dans le but d'établir la justice. Parce que parfois, de ne pas être égal entre deux choses, c'est un synonyme de justice, tandis que parfois, d'établir une égalité absolue entre deux choses différentes, c'est une pure injustice. Et donc, parfois, le fait que certaines personnes n'ont pas distingué ou n'ont pas compris la réalité de ces deux idées-là et de ces deux principes-là, et la différence qu'il y a entre les principes de l'islam et de la charia, ils pensent qu'il y a de l'injustice dans la charia. Et ils pensent qu'il y a des contradictions dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que certains musulmans qui ont un complexe d'infériorité face à l'Occident et face à leurs fausses valeurs s'imaginent qu'il faut dire exactement la même chose que ce que disent les koufars, et que si eux ils disent quelque chose, donc il faut le répéter. Et qu'est-ce qu'ils font dans ce cas-là? Ils essaient par la suite de chercher dans le Coran et dans la Sunna ce qui peut être utilisé pour confirmer les principes des koufars, même si pour cela il faut déformer le sens des textes du Coran et de la Sunna pour y arriver. Et donc il en découle que ils travestissent les vrais sens du Coran et de la Sunna et ils falsifient la révélation pour arriver à atteindre leurs objectifs. Et c'est pourquoi il est important de définir les choses pour bien les comprendre et pour bien les expliquer, et pour éviter de tomber dans l'égarement dans ces questions-là. Et donc, il faut comprendre que l'égalité, comme ça a été défini, c'est-à-dire de traiter deux choses comme étant égales et pareilles. Et si on l'applique dans son sens absolu, ça veut dire dans tout, et dans tous les aspects de la vie. Tandis que la justice, dans le sens islamique, ça veut dire de donner à chacun ce qui lui convient et ce qui lui revient, logiquement ou selon la charia. Et donc, les ulama, ils ont mentionné par exemple des exemples dans le Coran qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala a nié l'égalité entre plusieurs sortes de choses. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. Est-ce que celui qui est croyant est égal à celui qui est fasiq, qui est pervers? La yastawun, ils ne sont pas égaux. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de l'homme et de la femme, il dit walaysa dhakaru kal untha. Ils ne sont pas égaux. Le mâle n'est pas comme la femelle, l'homme n'est pas comme la femme. Donc il y a des différences entre les deux. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple dans sourate An-Nisa, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Les hommes sont les قوامون, ceux qui sont responsables des femmes, parce qu'il a préféré l'un sur l'autre. Et il mentionne également dans d'autres versets des exemples, comme par exemple le fait que les croyants ne sont pas égaux les uns avec les autres. Il mentionne que certains croyants sont meilleurs que d'autres. Certains font plus de bonnes actions que d'autres. Et même que dans l'au-delà, fil akhira, ils seront dans des degrés différents dans le paradis. Ils ne seront pas tous au même niveau dans le paradis. Certains seront dans le firdaus al-a'la, et d'autres seront dans des degrés plus bas. Et même dans l'enfer, les koufars ne seront pas tous dans les mêmes profondeurs, les mêmes degrés de profondeur dans leur châtiment. Certains auront plus de châtiments que d'autres. Et c'est pour ça que même les munafiqoun, Allah il dit à leur sujet qu'ils sont dans les plus basses des profondeurs de l'enfer. Donc il n'y a pas d'égalité même dans l'au-delà par rapport à ça. Même entre les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'il y a des différences entre certains d'entre eux. Et que certains sont meilleurs que d'autres. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفعت بعضهم درجات. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, voici les messagers. Certains, Allah subhanahu wa ta'ala a préféré sur d'autres. Parmi eux, Allah, à certains d'entre eux, il s'est adressé. Il leur a parlé directement. Et d'autres, il les a élevés en degré. Donc, même entre les messagers d'Allah, il n'y a pas d'égalité absolue. Et donc, tout ça, c'est des exemples pour faire comprendre qu'il n'y a pas d'égalité absolue entre les choses. Mais l'important, c'est d'établir la justice. Et, par exemple, on mentionne souvent que dans l'islam, la femme, elle n'a pas le même montant de l'héritage que l'homme. L'homme prend le double de la portion de la femme dans l'héritage. Donc ça, c'est pas une égalité. Mais est-ce que c'est une injustice pour la femme? Selon la charia, c'est pas une injustice. Et une des raisons pour ça, c'est parce que dans l'islam, la charge de s'occuper de la famille et de dépenser pour la maison, pour les vêtements, pour la nourriture et pour toutes les obligations de la vie, c'est l'obligation unique de l'homme. Et c'est la responsabilité unique de l'homme et non de la femme. De même que l'homme a comme charge et comme responsabilité de payer le mahr, le cadeau de mariage lorsqu'il se marie, et ainsi de suite. Ce qui fait que l'homme a donc droit à une plus grande part de l'héritage que la femme. D'accord? Donc il n'y a pas d'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Mais est-ce qu'il y a une égalité entre les deux? Il n'y a pas d'égalité. Donc, il faut comprendre que parfois d'être juste, c'est injuste, d'être égal, c'est injuste, et d'être parfois inégal, c'est d'établir la justice. Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis à l'homme, par exemple, d'avoir 4 femmes. Est-ce qu'il a ordonné à l'homme d'être égal entre ses épouses? Il ne lui a pas ordonné d'être égal, mais il lui a ordonné d'être juste. D'être juste, ça implique qu'il donne à chacune d'entre elles ce qui lui convient. Si par exemple, il a, juste pour vous donner un exemple, c'est un peu, qu'est-ce que je vais dire, ça fait un peu rire, mais en réalité, c'est juste pour vous faire comprendre le principe. Supposons qu'il a une femme qui est un peu grosse. Et il en a une autre qui est très mince. Et qu'il décide d'acheter aux deux la même taille de vêtements. C'est sûr qu'il y aura dans ça une injustice à l'une ou à l'autre. S'il achète un vêtement qui est trop petit, elle sera bonne. Ce vêtement sera bon pour la femme qui est mince. Mais pour celle qui est un peu plus grosse, elle ne pourra même pas le porter. Donc ce sera une injustice. Tandis que s'il achète une qui est très très grande, bien celle qui est un peu plus grosse pourra la porter, mais l'autre, elle va être trop grande pour elle. Donc ce sera une injustice. Et l'injustice consiste plutôt à donner à chacune ce qui lui convient. Et ça, c'est la justice. Donc c'est juste un exemple pour vous faire comprendre que, comme les ulama l'ont clarifié, l'islam c'est la religion de la justice et non la religion de l'égalité. Et comme on le constate dans la société, les gens parmi les koufars qui appellent à l'égalité en toutes choses, eux-mêmes n'appliquent pas l'égalité. Ils disent on veut qu'il y ait une égalité dans les salaires entre les hommes et les femmes. Est-ce que entre les hommes il y a une égalité dans les salaires? Est-ce que tous les hommes ont l'égalité dans les salaires? Parfois même dans la même compagnie, deux hommes n'ont pas le même salaire. Et parfois même dans le même poste, deux hommes n'ont pas le même salaire. Donc, comment est-ce que ça c'est, quelque chose qu'on n'a pas atteint, quelque chose qui n'est pas appliqué, puis après on demande d'appliquer ça pour ce qui est des sexes. Alors que souvent les hommes et les femmes font deux catégories d'emplois totalement différentes. Donc tout ça c'est pour faire comprendre en réalité que c'est pas des choses qui sont en accord avec la réalité. Et que l'islam, ce à quoi l'islam appelle la justice, c'est applicable et c'est réel, et c'est concret. Tandis que l'égalité, c'est quelque chose de complètement abstrait et souvent impossible à atteindre. Et s'il y a des différences entre la subsistance et les salaires entre les hommes, eh bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu pour une sagesse. S'il aurait voulu, il nous aurait donné à tous le même niveau de risque. et la même subsistance. Mais il a voulu que certains soient plus riches et que d'autres soient plus pauvres. Et il a ordonné aux riches d'aider les pauvres. Et il a ordonné qu'il y ait de la collaboration et de l'entraide entre les hommes, peu importe leur niveau et leur statut. Donc on va s'arrêter ici avec ça. Bien sûr, il faudrait élaborer encore plus et détailler et expliquer encore plus certains points. Mais qu'est-ce que j'ai mentionné pour commencer dans cette khutbah? C'est juste pour vous, donner une petite idée de ce principe dans la charia et pour comprendre comment répondre et comment réfuter les attaques qui sont dirigées par les non-musulmans envers l'islam et la charia et pour être capable justement de savoir comment répondre à ces choses-là. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم